soudain. Laissez-le, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 28 novembre, deuxième rendez-vous info actu de cette semaine après ce lundi quelque peu difficile en sortie de week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un programme direct live, on vous le rappelle, c'est le cas tous les jours ou presque, lundi, mardi, jeudi, 12h, 13h, rediffusion 19h, lendemain en matinale dès 8h. Des mots des sens sensibles aujourd'hui au programme chargé, retour en ce lendemain de... Lendemain de conseil municipal. Et oui, c'est une nouvelle séance qui se tenait hier après-midi, lundi, à partir de 14h30, que nous avons suivi. Petite sélection non exhaustive de quelques sujets échanges dont nous souhaitions vous faire part durant ce programme aujourd'hui. Conseil municipal donc, en principal menu contenu de ce programme aujourd'hui, des mots des sons qui s'ouvrent précisément en son et en musique comme à notre habitude, avec notre règle d'or, celle de vous proposer nos découvertes artistes, albums partenaires cette semaine auprès de notre fédération nationale, la fédération des radios rock de France, Ferra Rock bien sûr, qui vous propose alors double proposition hein, comme habitude, Milk TV pour l'album Neo Geo en registre plutôt rock. On va s'arrêter sur cette esthétique plus électro avec ce nouvel album de Zero Gravity, un side project électro-ambiante de Joanne Guillon, qui est le membre fondateur et multi-instrumentiste du mythique groupe Ezekiel, formé il y a 30 ans de cela. Zero Graffiti est un nouveau projet, toujours dans un registre assez électro, organique, assez hypnotique. Il a passé pas mal d'heures, bien sûr, en tournée, pas mal d'années également. Et il a décidé de faire une petite césure, coupure, Joanne Guillon, en partant prendre le large à bord d'un voilier pour trouver de nouvelles inspirations. Et voilà, il revient en force avec précisément ce nouveau projet. Il a déjà réalisé de nombreux remixes hein, pour des artistes comme Olivier Mélano, Laetitia Sheriff, Magnetic Ensemble ou encore Anachronic Orchestra, s'il vous plaît, pour en citer quelques-uns. Il a aussi composé une vingtaine de bandes originales pour des projets visuels, notamment pour Animal Lux et Yann Engema, ancien membre et fondateur d'Ezekiel lui aussi, qui d'ailleurs a assuré la pochette de cet album de Zero Gravity, qui avait sorti trois premiers singles sortis sur le label Slapnote en 2020-2021, et qui avait donc posé les bases comme sa fondation de cet album qui sort aujourd'hui via le label Lyonnais Jarring FX. Et oui, c'est une nouvelle sortie Jarring. Et on va reprendre finalement aussi, pour mot d'ordre, l'intention de cet album, puisque Zero Gravity et cet album intitulé Une très légère oscillation, tire son nom du livre de Sylvain Tesson, l'artiste souhaitant en effet transmettre ce même message, jouir de la vie, de chaque instant, s'extasier devant le vivant et se consacrer au présent plutôt que d'angoisser l'avenir. Eh bien oui, c'est une très belle intention. Je vous propose d'en avoir illustration avec huitième plage que j'ai sélectionnée sur ces 12 titres de cet album, qui est un peu aussi notre état du jour. Ghost Cat, le chat fantôme, le chat de Dieu en effet, en petite forme derrière le transistor, mais on va faire au mieux. Ghost Cat donc, Zero Gravity, une très légère oscillation, c'est la découverte et le partenariat Ferra Rock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. We'll be right back. L'album de Zero Gravity, une très légère oscillation, album sorti le 10 novembre dernier via Slapknot Jarring FX. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Autant vous dire qu'il est en annonce, diffusion, présentation sur les antennes Ferra, bien entendu, et en jeu concours. L'album est à gagner. Pour ça, n'hésitez pas à nous contacter via mail. Petit message à l'adresse redac@radiodio.org. Pour en savoir davantage sur ces découvertes cette semaine, rendez-vous bien sûr sur le site dédié ferrarock.org et puis à écouter le programme mutualisé collectif Dig Dig Diggers pour cette semaine 48 qui vous sera proposé ce vendredi avec interview et écoute de ses partenariats de cette semaine, Milk TV et l'album Neo Geo avec une interview réalisée par Radio Alpa. Vous retrouverez encore Radio Béton précisément pour aller à la rencontre de Zero Gravity. Une très légère oscillation en album cette semaine découverte. Et enfin, vous retrouverez encore dans ce Dig Dig Diggers de fin de semaine un spécial, bien sûr, événement de cette fin d'année. C'est le Festival des Transmusicales de Rennes sur lesquels seront présentes les Radio Ferra via un plateau en direct. Transmusical Bar en Trans, ce sera du 6 au 10 décembre prochain à Rennes. Dig Dig Diggers, donc, semaine 48, ce vendredi 12h-19h, lundi en matinale dès 8h. Et on va laisser Zero Gravity tourner en tapis, fond sonore, comme l'on dit en radio, pour entamer ce programme consacré, je le disais, au Conseil municipal de Saint-Étienne qui se tenait hier lundi 27 novembre. 88 dossiers à l'ordre du jour, près de 6 heures de séance. Je vais vous proposer d'en faire un petit tour d'horizon très rapide. Nous n'aurons qu'une heure, bien sûr, comme habitude, et moins même à passer ensemble pour vous en faire retour et report. Alors, un conseil municipal qui s'est ouvert, comme habitude, avec un premier dossier consacré à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance passée du conseil municipal. Un seul s'est tenu depuis cette rentrée, c'était le 25 septembre dernier. Un deuxième donc tenu hier avec, vous allez l'entendre, des échanges, une ambiance animée à la fois sur les bancs de l'Assemblée mais aussi à l'extérieur de l'hôtel de ville, non par le marché de Noël mais aussi par d'autres mouvements et présences devant l'hôtel de ville, que ce soit pour le marché de Gaël plutôt avec le comité des fêtes qui organisait une nouvelle manifestation, et puis vous allez l'entendre également, mouvement social en cours. Un deuxième point à l'ordre du jour hier ouvrait ce conseil municipal avec un point concernant l'urgence au Moyen-Orient et un soutien à la Croix-Rouge pour ses actions humanitaires neutres en secours aux victimes civiles israéliennes et palestiniennes. En effet, compte tenu des victimes des hostilités armées en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre dernier, il a été décidé d'apporter une aide financière exceptionnelle de 20 000 euros, notamment à la Croix-Rouge française. Et puis, troisième dossier à l'ordre du jour sur lequel nous allons nous arrêter d'emblée. Il s'agissait de la détermination du nombre d'adjoints au maire avec la suppression d'un poste d'adjoint. Et oui, nous allons y voir plus clair d'ici un instant. C'est qu'en effet, configuration du conseil municipal en mouvement. En effet, ceci dû à au départ d'une adjointe rentrée dernière, nous l'avions déjà évoqué sur cette même antenne, et donc qui entraîne la réorganisation du conseil municipal. Vous allez l'entendre. Il s'agissait notamment du départ de Delphine Jusselme qui participait précisément le 25 septembre dernier à son dernier conseil municipal, suivi de son dernier conseil métropolitain d'ailleurs, c'était quelques jours suivants, le 28 septembre. Elle quitte donc la ville et la métropole. Elle démissionne de ses fonctions d'élu municipal et métropolitaine pour un projet personnel qui l'a conduit loin de Saint-Étienne. On rappelle qu'elle avait décroché son premier mandat municipal en 2014, réélu en 2020, en charge de l'accessibilité et du handicap, qui avait failli siéger à partir de 2008, faut-il peut-être bien le préciser, lorsqu'elle était en 8e position sur la liste municipale conduite par Gilles Artigues. Alors, illustration, reflet d'un camp, voire clan, qui se fissure. C'est en tout cas, vous allez l'entendre, eh bien, l'hypothèse de l'opposition, l'affaire étant en toile de fond et à lire entre les lignes et à l'ordre du jour de l'ordre du jour. Vous allez l'entendre. Numéro 3 porte sur la détermination d'adjoint maire et la suppression d'un poste d'adjoint. Madame Delphine Jussel m'a fait part de sa volonté de démissionner de son poste de 20e adjointe et de conseillère municipale. Sa démission ayant été acceptée par monsieur le préfet le 10 novembre, un poste d'adjoint est depuis vacant. Suite à la vacance de ce poste d'adjoint, conformément aux dispositions des articles L21-22-1-2 et L21-22-2-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal de ne pas remplacer le poste d'adjoint et de fixer le nombre d'adjoints à 19. L'ordre du tableau sera donc modifié en conséquence. Je mets donc... Y a-t-il des questions, Monsieur Colombet? Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Alors, comme vous venez de le rappeler, nous apprêtons à voter pour ou contre la suppression d'un poste d'adjoint. Et nous serions tentés de dire encore. Encore une démission dans les rangs de la majorité. Il ne se passe donc pas un conseil municipal sans que nous soyons obligés de réorganiser l'exécutif. Continuez comme cela, monsieur Perdriau, vous finirez seul. Mais finalement, seul, on a toujours raison. Vous me répondrez que l'affaire qui entache notre ville n'y est pour rien et que tout va bien. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais au-delà de la démission de madame Jusselme, c'est la disparition de son poste d'adjoint qui doit nous interroger. Pourquoi faire disparaître le 20e adjoint en charge de l'accessibilité et du handicap? Alors, peut-être parce que personne ne veut reprendre une charge d'adjoint dans votre équipe. Plus personne ne veut entrer dans votre équipe, de peur de se voir éclaboussé par le torrent de boue. Vous êtes en train de vous noyer, et je le comprends parfaitement. Je n'aimerais pas avoir mon action politique salie par l'abjection des mots et des actions qui sont déroulées dans ces murs. Mais tout va bien, madame la marquise. Enfin, c'est ce que vous allez me répondre. Que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec toute cette affaire. Soit, cherchons d'autres raisons pour faire disparaître un poste d'adjoint qui nous semble essentiel. Rappelons ici que nous parlons de l'accessibilité et du handicap. D'autant plus, et je le rappelle, que Saint-Étienne va accueillir les Jeux Paralympiques. Alors d'un côté, on va communiquer à outrance sur le fait que Saint-Étienne accueille ces Jeux, et puis on fait disparaître le poste d'adjoint en charge de l'accessibilité et du handicap. Un peu ironique, n'est-ce pas ? Donc, pour nous, il existe une autre raison. Vous considérez que le travail autour des questions d'accessibilité et du handicap ne mérite pas d'avoir un adjoint. Ces questions ne sont pas assez importantes pour vous. Alors, vous supprimez le poste d'adjoint. Pour les écologistes, il est impossible de traiter les questions du handicap avec autant de mépris. Nous voterons donc contre. Je vous remercie. Alors, je voudrais apporter quelques précisions que j'aurais pu d'ailleurs faire dès la présentation. À savoir que Delphine Jusselme quitte le conseil municipal pour assurer un projet personnel. Ça n'a absolument rien à voir avec une éviction. C'est un choix, encore une fois, de couple que je respecte et que j'admire même sous un certain angle, pour pas dire que j'envie. La charge d'adjoint au handicap est confiée à partir d'aujourd'hui à Madame Dania Semach, qui est adjointe en charge de l'emploi, qui est très attentive à ces questions du handicap depuis de nombreuses années, et dont elle assura la charge avec Jean Jamais, qui était déjà conseiller municipal délégué au handicap et qui le demeure. Enfin, quand vous dites « plus personne veut venir travailler dans votre équipe », je vous rappelle que nous venons d'accueillir et Colette Ducrot et Annick Liotier, qui viennent remplacer donc ces deux derniers départs. Ne cherchez pas à créer de la polémique là où il n'y en a pas. Il y a eu d'autres demandes de prise de parole, je crois, Monsieur Courbon. Oui, merci, Monsieur Perdriau. C'était une intervention que j'avais souhaité faire tout à l'heure lors du compte-rendu, mais vous n'avez pas dû voir la main levée. Et effectivement, si aujourd'hui vous trouvez une explication à la démission de Madame Jusselme, une nouvelle démission pour des raisons personnelles, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. On pourrait aussi parler de notre collègue Jacques Guarinos, dont la démission, pour le coup, a été motivée par des explications très claires. Et cette démission, elle fait suite, effectivement, à une nouvelle révélation qui nous montre malheureusement que rien ne sera épargné à notre ville. Alors que nous avons du mal à nous relever de la sordide affaire révélée il y a plus d'un an maintenant, nous avons eu le droit à une nouvelle série d'articles qui nous en apprennent encore un peu plus sur ce qui se trame, ce qui se tramait au moins et ce qui se trame peut-être encore dans l'hôtel de ville, dans votre entourage très proche. Et on peut se poser la question, comme le fait notre collègue Jacques Guarinos, de savoir jusqu'à où vous êtes allé pour conforter votre pouvoir. Puisqu'après le premier adjoint, Gilles Artigue, le président de la région, Laurent Wauquiez, nous avons découvert avec stupeur que c'est notre ancien maire, Michel Thiolière, qui a été pris pour cible. Nous lui apportons d'ailleurs aujourd'hui solennellement un soutien républicain et nous nous étonnons d'ailleurs que vous n'en ayez pas fait de même. Il y a une constante dans ces révélations, c'est la nature même du procédé. Il faut salir des alliés en leur prêtant des affaires de mœurs dans le seul but de les neutraliser et de vous permettre de régner un peu plus. On s'aperçoit avec quelle légèreté vos plus proches collaborateurs parlent tout simplement des vies humaines, en comparant les personnes, qu'il s'agisse d'élus, qu'il s'agisse potentiellement de jeunes prostituées mineures, comme des objets, finalement comme si la vie humaine n'avait à vos yeux que très peu de valeur. Alors est-ce que l'avenir, indépendamment du remplacement aujourd'hui de quelques élus démissionnaires, est-ce que l'avenir nous réserve encore des révélations toujours plus sordides ? On peut le craindre, puisque votre plus proche collaborateur déclare encore, il y a quelques jours, déclaré dans les révélations qui ont été mises sur la place publique, qu'il y avait encore des cadeaux de ce type en quantité chez lui. Monsieur Perdriot, vraiment, Saint-Étienne ne peut pas continuer à vivre plus longtemps au rythme de ces révélations consternantes. L'image de notre ville est suffisamment abîmée et notre collectivité en paye chaque jour un peu plus les conséquences. Et cela, vous le reconnaissez vous-même, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez accordé une interview à une journaliste du Monde, à laquelle vous avez déclaré, je vous cite, « Je ne fais pas l'autruche, cette affaire entache l'image de notre ville, mais pas l'attractivité économique », même si cette dernière assertion était battue en brèche par le témoignage d'un certain nombre d'acteurs du monde économique. Mais vous reconnaissez vous-même que cette affaire continue d'entacher l'image de notre ville. Et pour en sortir, vous seul, et même si les collègues qui continuent de vous soutenir ont aussi un rôle à jouer, mais vous seul détenez la clé, et nous vous appelons encore une fois aujourd'hui à renoncer à vos fonctions de maire pour préserver l'image et l'honneur de Saint-Étienne, comme vous avez été contraint de le faire à la métropole. Je vous remercie. Je conteste bien entendu les allégations que vous avez rapportées. Je rappelle qu'une enquête pénale est en cours, qui fait que je n'ai ni la liberté de votre légèreté dans les propos, Monsieur Courbon, ni celle de m'exprimer davantage qu'ailleurs que devant les juges. Je redis ici que je suis innocent, malgré le constat néfaste que je fais des conséquences de cette affaire. Quant au comportement de notre collègue Jacques Guarinos, il en est libre. Et puisque vous saluez et vous louez son courage de sa démission, je ne vous empêche pas d'en faire autant. Qui d'autre a demandé la parole ? Monsieur Boucher. Merci, monsieur le maire. J'allais presque dire, sous la forme d'un sourire, chiche. Démissionnons tous, retournons devant les électeurs. En tout cas, Pierrick Courbon, une fois n'est pas coutume, a raison. On ne peut pas débuter cette session et cette séance du Conseil municipal sans évoquer le scandale dans lequel fut plongée la ville de Saint-Étienne pour la troisième fois. Une nouvelle fois s'est joué dans notre maison commune le pire du sordide. Il fut fomenté de prostituer une mineure de moins de 16 ans. Attention, pas de 17 ans, ça aurait été moins scandaleux. Pour flétrir l'ancien maire et sénateur de Saint-Étienne, au passage, celui-là même qui vous a ouvert les portes de la vue municipale, comme à moi, et qui vous a trouvé du travail. Mais il avait la mauvaise idée de faire vivre une formation politique différente de la vôtre et de proposer des candidats en opposition au vôtre. Il fallait donc, lui aussi, la mort politique la mort sociale, et au passage, s'il devait se suicider, ce n'aurait pas été si grave. Alors, il y a quelque chose de décidément malsain dans cette mairie sous votre règne. Au fil des mois, nous comprenons que vous n'étiez pas moins un maire que le parrain d'une organisation mafieuse, le responsable d'une association de malfaiteurs. Pire que tout, même une fois que le déshonneur se soit abattu sur vous, une nouvelle fois sur les Stéphanois par l'effet médiatique, pas un mot en direction de Michel Thiollière et de sa famille. Pas un mot pour dénoncer les propos de votre plus proche collaborateur. Aujourd'hui, entendez-vous dénoncer les propos de M. Gauthiéry? Alors, de vous, moi, je vous rassure, je n'attends rien. Mais les autres, nos chers collègues, les enseignants de cette assemblée, les cautions de gauche, toujours prêts à endosser les habits de Marianne Rose, ceux qui travaillent à la protection de la jeunesse et de l'enfance, les décorés qui paradent tels des généraux russes lors des commémorations, où sont vos mots? Où sont vos communiqués de presse? Vos appels à la République? Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu car il faut plaire au prince pour conserver ses indemnités. Ou mieux, progresser dans d'autres collectivités. Eh bien, soyez convaincus que nombre de Stéphanois se souviendront longtemps de votre couardise. Pour le reste, n'en plaise en effet à la justice que de poursuivre dans cette sordide affaire. Pour finir, néanmoins, une inquiétude, car les trois affaires datent de 2013, 2014, 2015. En 8 années blanches, combien allons-nous encore découvrir d'autres affaires? Combien dans le bureau du maire de Saint-Étienne ou dans ceux de son cabinet se sont noués de chantage, de pression, de violence? Alors, je vous l'annonce, l'ouverture prochaine d'une ligne téléphonique sur le principe d'un numéro vert pour recueillir les témoignages de ceux qui auraient été victimes de vos agissements ou de ceux de vos proches et qui ont peur de témoigner. Méfiez-vous de qui pourrait appeler à ce numéro et de révéler quoi d'autre? Vos propos, Monsieur Boucher, sont évidemment diffamatoires. Moi, j'ai servi Michel Thiollière pendant 21 ans, fidèlement, loyalement, et toujours encore récemment, en louant le travail de modernisation et de rénovation qu'il a lancé à Saint-Étienne, je crois que vous ne pouvez pas en dire autant. J'ai expliqué pourquoi je n'ai pas pu téléphoner à Michel Thiollière ou dénoncer quelques propos que ce soit à M. Courbon. Ce sont évidemment les mêmes motifs qui m'amènent à vous répondre les mêmes choses. Tous ceux que vous avez cités tout à l'heure dans votre longue litanie ont tout simplement des valeurs de la République supérieures aux vôtres. Ils respectent la présomption d'innocence, ni plus ni moins. Madame Pfister. La suppression d'un poste d'adjoint supplémentaire, ça fait le deuxième, qui ne sont pas remplacés. Avec des délégations qui ne sont que des dossiers redonnés à d'autres adjoints. Si c'est comme ça que vous gérez le handicap sur la ville, ce sera sans nous. Les communistes, nous ne participerons pas à ce vote. Madame Valentin. Alors nous, pour le groupe Saint-Étienne Demain, c'est pareil, nous allons voter contre... ce dossier parce que effectivement comme l'ont dit les collègues l'accessibilité, le handicap, c'est pas un petit point dans une ville et ça peut pas être juste donné en plus comme ça à une personne et surtout si avant c'était géré par un adjoint, c'est que il y en avait forcément besoin. Moi je trouve ça étonnant que du jour au lendemain eh bien le travail qui se faisait par deux personnes va se faire par plus qu'une personne. Ça me paraît étrange. Ça veut dire que finalement, on n'avait peut-être pas besoin de ce poste avant. C'est comme ça qu'on pourrait l'envisager. Et que donc l'argent qui était donné à cet adjoint avant, bah, c'est de l'argent gaspillé, puisque a priori, il n'était pas nécessaire. Puisque du jour au lendemain, eh ben, une seule personne va pouvoir faire le job. Donc moi, ça me pose beaucoup de questions aussi de management pur, d'équipe, de travail. Et ça pose des questions sur, voilà, sur votre façon de gérer la ville. Donc nous voterons contre cette suppression d'adjoints. Merci. Pas du tout. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au travail qu'a réalisé Delphine Jucel pendant ces deux mandats. Mais nous sommes à mi-mandat. Nadia Semach a lancé toutes les initiatives que nous souhaitions en matière d'emploi. Et je lui fais une totale confiance avec Jean Jamais pour conduire les actions qui ont été débutées par Delphine Jusselme. À tous les deux, je n'ai aucun doute qu'ils arriveront à répondre aux préoccupations des associations, des habitants avec lesquels nous travaillons déjà en confiance. Je mets donc aux voix ce dossier. Y a-t-il des oppositions? Donc les groupes Saint-Étienne Demain, communistes, groupe de l'écologie. Ah oui, les communistes ne prennent pas part au vote. Les deux autres groupes votent contre. Qui s'abstient? Est donc adopté. Je vous remercie. Voilà, il n'y aura plus de 20e adjoint en charge de l'accessibilité et du handicap, 19 adjoints désormais au sein de ce conseil municipal. Et puis, vous l'avez eh bien entendu en toile de fond à Saint-Étienne, le maire, la sextape et le chantage politique rappellent durant ce conseil de ce 27 novembre, puisque depuis, en effet, est sortie une nouvelle révélation. C'était le 1er octobre dernier, Antoine Rouget de Mediapart publiait cet article. Le prostitué mineur et caméra cachée, le clan Perdriau a aussi ciblé l'ancien maire de Saint-Étienne après le piège à la sextape contre le premier adjoint de la ville. Gilles Artigue, l'équipe de l'actuel maire de Saint-Étienne, a élaboré un autre complot crapuleux. Le plan a tiré l'ancien édile de droite Michel Thiollère dans les bras d'une prostituée de 16 ans originaire des Pays de l'Est et le filmer à son insu. Mediapart a diffusé les extraits vidéo d'une réunion préparatoire lors de laquelle les membres du clan Perdriau envisagent un suicide de l'ex-maire. On s'en branle, conclut-il. C'est le titre donné de cet article vers lequel je peux vous renvoyer à nouveau mediapart.fr, bien entendu. Des, bien sûr, réactions nombreuses à l'issue de la publication de cet article, de nombreuses associations, collectifs et autres, des pétitions demandant la démission du maire toujours et encore, et puis cette sortie d'affaire qui mettait en évidence une nouvelle fois un système patriarcal bien organisé pour faire pression et contrôler des adversaires politiques au profit de l'actuel maire de Saint-Étienne. Obtenir des actes sexuels contre de l'argent sous fond d'homophobie, de racisme, de classisme et de sexisme, moyen de détournement de fonds publics présumés, méthode terrible employée, et c'est ce qu'a révélé cet article de Mediapart. Pour poursuivre, parce que cette affaire a été finalement en toile de fond tout au long de ce conseil, durant les différentes passes d'armes, je dirais, entre majorité et opposition. Mais nous allons nous arrêter sur d'autres points pour poursuivre ce retour sur ce conseil municipal d'hier. Avec toujours l'entame de ce conseil municipal, je le disais, 88 dossiers à l'ordre du jour, dossier numéro 5 sur lequel nous allons nous arrêter pour poursuivre, qui concernait le rapport social unique 2022. Le rapport social unique rassemble des éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Outil de dialogue social, le rapport social unique constitue ainsi un véritable dispositif d'aide à la décision et au pilotage des ressources humaines de la collectivité. Au-delà de la contrainte juridique, ce rapport social unique est l'occasion d'assembler dans un document identique pour toutes les collectivités des données balayant l'ensemble des domaines des ressources humaines. Il constitue ainsi donc un outil d'information et dialogue social permettant d'effectuer des comparaisons dans le temps et avec les autres collectivités. Ces informations issues de la politique de gestion des personnels ont pour objectif d'aider les employeurs publics à identifier les enjeux stratégiques de gestion à court terme et renforcer l'efficience des politiques ressources humaines à long terme. Alors, les éléments contenus au sein de ce rapport sont relatifs à différentes thématiques: l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, l'action sociale, la protection sociale, le dialogue social ou encore enfin la discipline. Eh bien, vous allez l'entendre avec échange sur ce point précisément et ce rapport social unique 2022 avec d'ici un instant François Boyer, conseiller municipal du groupe d'opposition Saint-Étienne Demain, qui revient sur ce rapport social 2022 en partie, vous allez l'entendre, mais qui va nous permettre aussi d'évoquer la situation sociale actuelle et présente, notamment devant l'hôtel de ville hier, en ce lundi 27 novembre à 17h, heure de pleine tenue de ce conseil municipal, et situation et mouvement social même entendu encore pour toute la semaine, nous y reviendrons. On écoute François Boyer en premier lieu. Si nous ne devions retenir qu'un chiffre illustrant le malaise qui peut régner aujourd'hui au sein de notre collectivité, ce serait celui des jours d'absentéisme. Plus 16% pour les agents fonctionnaires, plus 63% pour les agents contractuels. Par ailleurs, cette semaine, vous devez faire face à une mobilisation historique des agents territoriaux de la ville. Ils vous ont demandé en amont de pouvoir s'exprimer devant ce conseil. Vous avez refusé. Ils se mobilisent aujourd'hui à 17h. Aussi, nous souhaiterions qu'ils puissent s'exprimer devant cette assemblée. Si, Madame Pfister. Les chiffres annoncés dans ce rapport sont très mauvais et démontrent qu'il y a bien un malaise dans cette mairie. Pour la population, une fuite du personnel liée en partie à la mutualisation de la métropole, donc des services qui s'éloignent des Stéphanois. Un exemple, il y a une baisse significative des ATSEM, donc quel personnel pour l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles de la ville. Pour les personnels, on constate une augmentation inquiétante des arrêts de travail ainsi que des accidents de travail. À quand une politique qui réponde aux besoins de la population et des agents territoriaux? Au vu de tout cela, on comprend qu'il y ait des actions du personnel. Je précise que les élus communistes soutiennent les actions des agents territoriaux qui défendent leurs conditions de travail et les services publics. Et je demande également qu'ils puissent s'exprimer au sein du conseil municipal ce jour. Madame Toki. Derrière les chiffres qui sont présentés dans ce rapport social unique, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes. Il y a le quotidien d'agents fonctionnaires au contractuel, qui sont permanents ou non, et qui sont chaque jour au service de Saint-Étienne et de ses habitants. La majorité municipale, elle nous répète à l'envi, et également communique énormément, elle nous dit que tout va bien à Saint-Étienne. Pourtant, cette année encore, de nombreux signaux laissent apparaître un certain malaise au sein des équipes. Tous les indicateurs, par exemple, d'absentéisme sont en hausse. Le nombre de moyens de jours d'absence par agent, le taux d'absentéisme, mais aussi le taux d'exposition et donc la baisse des capacités des services. De même, de plus en plus d'agents permanents sont en disponibilité. Alors, comment analysez-vous ces constats? Ne serait-ce pas le signe, justement, d'un certain malaise et d'un mal-être au travail? Nous aimerions savoir quelles actions vous mettez en œuvre pour accompagner les salariés, pour mieux préserver leur santé et ainsi leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. On note également une hausse de la proportion des contractuels à temps non complet. En fonction des services, cela peut être justifié, mais la multiplication de ce type de contrat est fortement inquiétante. Si des personnes sont employées à temps non complet alors que les tâches qui leur incombent nécessiteraient un salarié à temps plein, le salarié est de fait en surcharge de travail et son bien-être n'est pas assuré. Et la qualité du service rendu à la population, bien sûr, elle en pâtit également. De même, la baisse des effectifs est inquiétante tant pour le bien-être des agents que pour la qualité du service rendu à la population. En un an, c'est plus d'un agent sur 10 en moins dans les services municipaux. Un agent sur 10. Les mutualisations avec les services de Saint-Étienne Métropole, non, ça ne peut pas suffire à expliquer ces importantes baisses d'effectifs. D'autant que les tâches des personnes passées à la métropole sont de fait plus larges. Par ailleurs, la ville de Saint-Étienne a proposé plus de formations à ses agents. Et on pourrait s'en réjouir, mais leur durée est bien plus courte. Ainsi, en moyenne, les agents n'ont bénéficié que de 2,2 jours de formation, ce qui est bien dérisoire par rapport aux besoins permanents et la volonté de continuer d'apprendre pour progresser dans sa pratique. La participation à des formations à distance, type webinaire, ne peut justifier le peu de temps de formation suivi par agent. Que ce soit en présentiel ou à distance, se former, eh bien, ça prend du temps. Et en ligne aussi. Il faut savoir prendre le temps d'échanger pour former et apprendre efficacement. Enfin, ce rapport social a été présenté aux représentants syndicaux lors du Conseil social territorial du 14 novembre. Alors, nous demandons, les élus écologistes, à Madame Jodard, adjointe aux ressources humaines, de préciser comment ce rapport a été reçu et les réactions qu'il a pu susciter. Christiane Jodard, pour vous répondre sur ce dernier point. Oui, Madame Toki, donc la CGT a voté contre, EFO et CFDT s'est abstenu. Voilà pour la réponse des votes. J'ai effectivement reçu un mail du secrétaire général de la CGT qui m'a demandé de s'exprimer au conseil municipal. Je voulais simplement rappeler que le code général des collectivités territoriales définit le rôle du conseil municipal et que les règles de fonctionnement de celui-ci y sont clairement établies et qu'il n'y a pas de prise de parole extérieure aux élus présents. Et d'ailleurs, grâce à vous, c'est comme si les syndicats étaient un peu présents dans ce conseil municipal pour s'exprimer. Je rappelais également que le dialogue social, grâce à Christiane Jodard, Marie-Ève Goutel, Dominique Manin, la direction générale, les ressources humaines, est extrêmement vivante. Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 132 heures de réunions et d'échanges qui ont eu lieu sur absolument tous les sujets que les syndicats ont souhaité aborder. Parmi toutes les demandes qui nous sont parvenues lors de ces échanges ou par courrier, plus de 80% des demandes ont été satisfaites. Nous accordons bien entendu une importance majeure au bien-être des agents municipaux. Contrairement à ce que vous dites, Madame Tocchi, les heures de formation sont en évolution positive. Si on compare cette année à l'année 2022, qui concerne le rapport que vous avez entre les mains, et si on le rapporte à 2021... Je rappelle que dans toutes les collectivités locales, il n'y a pas de licenciement et que s'il y a des baisses des effectifs, c'est effectivement tout simplement pour mieux adapter la collectivité aux besoins réels. Voilà, vous avez annoncé un certain nombre de dépôts de préavis de grève. Là aussi, il convient de porter un jugement à l'issue de ceci et non pas au début. Je me souviens d'une pleine page dans Le Progrès qui annonçait une grève des policiers municipaux où nous avons eu, in fine, deux agents grévistes. Voilà, donc c'est à la fin de cette semaine que nous comptabiliserons. Et ce que je veux dire surtout, c'est que le dialogue n'a de cesse d'exister, des heures de réunion extrêmement nombreuses, des suites qui sont données à chacune des questions qui sont posées, une rencontre d'ailleurs bilatérale entre la direction générale, les élus aux ressources humaines et moi-même est prévue avec chacun des syndicats de la mairie dans une dizaine de jours, comme je le fais chaque semestre. Et donc le dialogue est loin d'être rompu. Madame Dumestre. Oui, tout d'abord, vous remercier de reconnaître que nous portons la voix des agents dans cette instance, parce que effectivement, nous regardons avec beaucoup d'inquiétude depuis l'éclatement de l'affaire il y a un peu plus d'un an, la manière dont les agents ressentent tout ça. Les agents, je pense qu'ils font partie des premières victimes de cette affaire parce que la situation est extrêmement délicate pour eux. Outre la désorganisation interne que tout cela a provoqué, ils sont aussi confrontés en première ligne aux réactions des habitants, pour ceux qui sont en contact avec la population. Et en tant que représentants visibles de la mairie, porteurs du logo de la ville de Saint-Étienne, ils sont très souvent pris à partie sur ce qui se passe. Et chaque nouvel article fait remonter effectivement ces questionnements de la population que eux entendent, que vous entendez moins, puisque vous faites le choix d'être le moins présent possible sur le terrain. Et donc effectivement, le code général des collectivités territoriales ne permet pas à d'autres que des élus de s'exprimer normalement, mais il est tout à fait possible d'y déroger et à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Les chiffres qui ont été rappelés par nos collègues, et notamment François Boyer, qui font clairement, en termes d'absentéisme, qui font clairement état d'un mal-être, d'un mal-être factuel et quantifié de nos agents, ne doit pas être balayé d'un revers de main. Qu'il y ait un travail effectué par les élus en charge des ressources humaines et des agents en charge de ces questions, nous n'en doutons pas. Mais vu la difficulté, la profondeur du mal-être qui s'exprime par ces chiffres et à travers ces chiffres, je pense qu'il serait peut-être plus à la hauteur d'essayer de les écouter. Vous êtes positionné tout à l'heure, Monsieur Perdriot, encore une fois, en tant que mise en examen, mis en cause dans une affaire judiciaire. Mais nous attendons de vous que vous réagissiez en tant que maire, en tant qu'employeur, quand vous dites vous-même que l'image de la ville est entachée, quand vous constatez que vos agents souffrent au travail de cette situation, peut-être vous pourriez apporter une réponse autre que celle de votre intérêt personnel et vous demander si vous servez la ville en restant là ou si vous servez uniquement vos intérêts personnels. En tout cas, prenez conscience qu'il y a des gens qui souffrent. Christiane Jodard. Oui, c'était pour répondre à Madame Tocchi. Madame Tocchi, il faut vraiment que pour la baisse des effectifs, elles sont bien liées aux mutualisations et qu'il ne s'agit pas d'une diminution du service des Stéphanois, mais d'un montage différent, puisque nous sommes sur des mutualisations et il n'y a pas de fuite d'agents, comme vous l'indiquiez. Voilà, je voulais préciser. Bon, sur ce que vous venez de dire, Madame Dumestre, c'est purement scandaleux. Rien que ce week-end, hein, je ne vais pas remonter à 8 jours ou 15 jours. J'ai passé avec bon nombre de collègues, d'ailleurs, ici présents, plus de 2 heures sur le marché de Noël. Je ne vous y ai pas vu. Je suis allé ensuite à Terre-Noire, dans une salle Jacques Brel qui était pleine à craquer. Je ne vous y ai pas vu. Je me suis rendu également au Congrès national de la Fédération sportive et culturelle de France, qui a choisi Saint-Étienne parce que c'est une ville attractive, pour y fêter son 125e anniversaire et son 111e congrès, en présence d'ailleurs de la ministre Prisca Thévenot. Je ne vous y ai pas vu. En fait, je vais vous dire, si vous ne me voyez pas sur le terrain, c'est que je pense que le week-end, vous avez sans doute d'autres choses à faire, plus intéressantes, que d'aller effectivement à la rencontre des habitants. En tout cas, moi, j'y étais, vous n'y étiez pas. Ce que je regrette, Madame Dumestre, c'est que certains syndicats fassent de la politique et que certains élus fassent du syndicalisme. Je pense que les rapports seraient beaucoup plus sains si chacun restait à sa place. Ce que je constate aussi, parce que aucun agent n'est venu se plaindre de manière officielle ou anonyme de cette affaire. La réalité, c'est que vous n'avez rien à reprocher à nos politiques, qu'elles soient sociales ou publiques, et que vous avez besoin de ça pour pouvoir trouver des arguments, certes fallacieux, mais vous n'avez pas d'autre chose à vous mettre sous la main pour pouvoir attaquer ce que nous faisons et qui est apprécié des Stéphanois. C'est ça la réalité. Madame Tocchi ? Oui, je voudrais juste revenir sur un petit détail que vous avez souligné, qui est assez symptomatique d'ailleurs de votre façon de détourner allègrement nos propos, ça n'a pas l'air de vous déranger. Vous avez dit tout à l'heure que non, les agents avaient bénéficié de plus de formation. Alors déjà, ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit bien d'accord. Je reconnais le fait que plus d'agents, selon les chiffres qui sont indiqués, ont bénéficié de formation. Néanmoins, je souligne le fait que les formations sont de plus courte durée. Donc pour moi, 2,3, ça reste supérieur à 2,2. Donc l'année dernière, les agents avaient bénéficié en moyenne de 2,3 jours de formation. Et cette année, c'est 2,2 jours. Donc je sais, c'est un détail, mais ça montre bien quand même que vous êtes capable de raconter n'importe quoi quand ça vous arrange. Mais ce n'est pas un détail. Mais ça prouve que... Enfin, en même temps, je ne peux pas vous en vouloir. Vous n'êtes pas dans le domaine des ressources humaines. Mais votre raisonnement n'est simplement pas appliqué ni à une collectivité, ni à n'importe quelle entreprise. Chaque fin d'année, il y a des entretiens individuels entre les agents et leur hiérarchie qui fait le bilan de l'année écoulée sur les points positifs, sur les points négatifs, sur les choses qu'il faut améliorer, sur les objectifs de l'année suivante. Et la formation fait partie de ces échanges. On répond aux demandes, autant que faire se peut, des agents en termes de formation. Si la durée moyenne est plus courte, c'est que tout simplement les formations qui ont été sollicitées sont plus courtes. Il n'y a pas de calcul à l'avance pour réduire les coûts, je ne sais quoi, puisqu'en volume, d'ailleurs, on arrive à une moyenne qui est supérieure. Je dis simplement que bon, chacun son domaine, manifestement, celui-ci n'est pas le vôtre, et que tirer une analyse à partir de chiffres, comme vous l'avez fait, est manifestement périlleux, puisqu'elle vous emmène sur de mauvaises pistes, tout simplement. Monsieur Boucher. Puisqu'on a une attaque personnelle, quand même, je voudrais juste souligner que vous êtes sacrément mal renseigné, et je suis contente de voir que votre magnifique sortie au marché de Noël vous a permis de savoir ce que je faisais dans la vie, au moins en partie. Et si vous étiez un peu mieux renseigné, si vos équipes travaillaient un peu plus à vous renseigner sur les personnes qui sont face à vous, vous sauriez que oui, j'ai travaillé dans les ressources humaines, et que oui, je travaille dans la formation. Merci. Eh bien, ça veut dire que vous êtes inexcusable dans ce cas, et que donc ce n'était pas de la méconnaissance, mais de la mauvaise foi. Monsieur Boucher. Oui, et puis puisqu'il faut être précis, juste pour notre collègue Madame Jodard, au comité social territorial, il n'y a pas de représentant de la CFDT, ils sont du syndicat CFTC. Voilà, c'est juste pour être précis. En revanche, je veux porter auprès de vous un témoignage. Depuis que j'ai changé de place sur ces rangs, je peux vous confier qu'un certain nombre d'agents s'ouvrent à moi de manière beaucoup plus simple, facile, et qu'ils viennent témoigner. Pas pour se plaindre de leur élu, par ailleurs, mais souvent pour partager leur mal-être. C'est qu'un certains vont voir des syndicats, et puis d'autres, quand c'est plus grave, s'adressent directement à des cabinets d'avocats. Et sachez que je ne suis pas grand clair que d'imaginer que dans les mois qui viennent, nous en entendrons parler. Bah, depuis que vous avez changé de place, beaucoup viennent aussi me parler de vous. Comme quoi les gens, finalement, sont assez peu courageux, voyez. Bien, donc nous prenons acte du rapport social unique 2022. Ah, Madame Pfister. Je me permettrai de vous rappeler que pour rencontrer la population stéphanoise, on n'a pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de défiler avec vous pour rencontrer les gens. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on ne vous voit jamais dans les manifestations publiques. Malaise, mal-être. Au sein de la municipalité, il était question là du rapport social unique qu'on pourrait tout à fait finalement aussi rapporter, on va dire, aux conditions de cette instance municipale. Un rapport social municipal unique pourrait tout à fait être établi quant à ces points évoqués, la discipline, le dialogue social, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Cela fait aussi écho à ce qui se passe pour nos garants finalement de la vie municipale, que sont nos conseillers et conseillères municipales précisément. La considération aussi des partenaires, et vous l'entendez dans les échanges que je vous propose en diffusion précisément, en tout cas mal-être et malaise. Et de dialogue social, il est difficilement question, précisément, puisque Gaël Perdriot évoquait le fait qu'aucun agent n'était venu se plaindre, comme si tout allait bien. Mais au sein du conseil hier, certes, il était partagé ses mots réflexions, mais à l'extérieur du conseil municipal, en marge du conseil municipal, un rassemblement massif se tenait sur les marches de l'hôtel de ville hier à partir de 17h. Mobilisation pour réclamer de meilleures conditions de travail et l'amélioration du pouvoir d'achat des agents de la collectivité en reconnaissance de leur investissement quotidien. L'occasion aussi d'exiger des services publics dignes de ce nom pour les usagers stéphanois et de dénoncer les très graves dysfonctionnements constatés, notamment sur les temps de cantine dans les écoles et dans la prise en charge des résidents et résidentes dans les EHPAD. Et puis, notamment le syndicat CGT rappelait enfin face à l'absolue nécessité de revenir à un climat serein et apaisé dans les directions, condition obligatoire pour les mises en œuvre des missions de services publics. Et il sera aussi l'occasion de demander à nouveau à Monsieur le maire de prendre des responsabilités et de présenter sa démission au conseil municipal. Ça, c'était l'ensemble des revendications posées hier lors de ce rassemblement devant l'hôtel de ville, sur les marches de l'hôtel de ville. Et nous allons en reparler, les agents territoriaux et notamment au sein des écoles. Et la question de ce service public va revenir à l'ordre du jour. Nous y reviendrons, en tout cas annoncé encore bien au-delà de notre situation local. Eh bien, c'est une manifestation à laquelle appelle notamment encore le comité local CGT des travailleurs, travailleuses privées d'emploi et précaires de Saint-Étienne pour cette manifestation de ce 2 décembre. On en profite pour rappeler en effet ce rendez-vous. Manifestation contre la loi plein emploi, qu'on appelle aussi France Travail. Pour rappel, cette loi va entre autres instaurer un conditionnement du RSA au moins 15 heures d'activité hebdomadaire. Ce projet va affecter tout le monde, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, mais aussi les employés dont les salaires vont être pressurisés à la baisse par l'établissement de cette activité obligatoire. La loi plein emploi a d'ores et déjà été votée dans l'indifférence générale. Le combat pour son abrogation se poursuit et cette date de ce 2 décembre servira aussi à alerter le public des dangers de cette loi. Le 2 décembre étant traditionnellement un jour de manifestation d'ailleurs des chômeurs et chômeuses. Manifestation un peu partout en France. À Saint-Étienne, ce sera une manif au départ de la gare de Château-Creux à 11h. Alors, de service public, il va être question dans le dossier à suivre. Je rappelle aussi simplement, quant aussi à cette mobilisation et ce mouvement social hier, à plusieurs reprises, a été tenté de donner la parole aux représentants syndicaux, chose qui n'a pas été effective malgré plusieurs, coupures de séance, finalement, interruption de séance, voilà, hier. Mais ce n'aura pas été chose faite. En tout cas, de service public, il va être question d'intérêt public même au-delà. On parle du manque de moyens. Généralisé, manque de moyens financiers peut-être et sans doute, mais vous allez l'entendre, gestion d'argent public, il va être question et qui revenait, vous l'entendrez, au travers du dossier 81. Nous allons un peu plus en avant dans ce conseil, on écoute. Dans le 81, je vous propose d'approuver le contrat d'objectif avec la SSPAS Saint-Étienne pour la saison 2023-2024. Madame Valentin. Oui, merci Monsieur Perdriau. Alors dans ce dossier, la ville de Saint-Étienne s'engage sur un contrat d'objectif avec l'ASS à hauteur de 150 000 euros. Alors en échange, si j'ai bien compris, de cette somme conséquente tout de même, l'ASS s'engage à participer, je lis, à des actions d'éducation, d'intégration, de cohésion sociale et de prévention des violences. Alors on ne peut que souscrire à de tels objectifs. On le sait. À Saint-Étienne, tout ce qui touche à notre club de foot est sensible et chargé émotionnellement. Mais pas moins désormais, grâce à vous, Monsieur Perdriau, que celui de la bonne gestion de l'argent public. Aussi, nous nous sommes penchés sur les détails de cette convention. Et sous couvert de financer des missions d'intérêt général, la ville finance surtout une opération de communication qui n'a pas d'autre intérêt que celui de tenter de redorer votre image, Monsieur Perdriau. En effet, que vient faire dans ces missions d'intérêt général le financement d'une photo officielle de l'équipe ou encore la fourniture de 5000 posters avec cette photo à la ville de Saint-Étienne? Est-ce cela que vous appelez mission d'intérêt général et d'éducation? Dans l'absolu, que la ville puisse profiter du rayonnement et de l'image positive du club à travers un partenariat financier n'a rien de choquant. Mais à condition que ce partenariat bénéficie bien à l'intérêt collectif, comme c'est noté, et ne vous serve pas de moyen de communication pour redorer votre image et vous faire passer pour le Père Noël auprès des jeunes Stéphanois. Alors, même si votre image, Monsieur Perdriau, a bien besoin d'un lessivage, on le comprend, soyez lucide, même 150 000 euros d'argent public ne suffiront pas à faire oublier aux Stéphanois vos paroles homophobes et vos mensonges à répétition. Alors éclairez-moi. Vu que je ne suis pas experte comme vous en communication, sur le véritable objectif de ce contrat, puisqu'il est aussi en totale contradiction avec la politique de diminution des subventions que vous imposez à tous les acteurs éducatifs stéphanois depuis un an. En effet, en janvier, vous disiez en conseil municipal que Saint-Étienne n'est pas une île, elle subit le contexte international de l'inflation et il y aura des choix difficiles à faire. Votre choix alors été de diminuer les subventions aux associations stéphanoises, aux écoles et aux acteurs de l'éducation populaire et de mettre fin également à la mise à disposition des éducateurs sportifs de l'Office des sports au centre de loisirs. Et dans ce dossier, on découvre quel miracle que vous trouvez aujourd'hui 150 000 euros pour financer une entreprise au capital de 3 millions d'euros, pour soi-disant financer des actions d'éducation et d'intégration. Ou plutôt, disons-le de manière plus transparente, pour vous financer une campagne de communication à travers ce club cher au cœur des Stéphanois. Permettez-moi, Monsieur Perdriau, de saluer là votre art de la manipulation. Alors si, comme vous le dites en préambule de ce dossier, vous souhaitez financer des actions d'intérêt général autour des enjeux d'éducation, d'intégration et de développement durable, tournez-vous vers ces nombreuses associations stéphanoises en difficulté aujourd'hui qui font un travail remarquable au plus près des habitants et donnez-leur les moyens de mettre en œuvre de réelles actions d'éducation et de cohésion sociale. Je vous remercie. Madame Tocchi. Donc je vais aller dans le même sens que ma collègue Madame Valentin. 150 000 euros pour une séance de dédicace d'une heure à l'hôtel de ville. Alors que si on veut des dédicaces de l'équipe, il suffit d'aller sur le terrain d'entraînement, il n'y a aucun souci pour ça. Des rencontres avec l'équipe professionnelle et une photo officielle de l'équipe avec les représentants de la ville. C'est quand même un drôle de choix pour la jeunesse. Alors déjà j'ai une première question, c'est dans la convention, il est bien indiqué que la SASP AS Saint-Etienne s'engage à réaliser une photo officielle avec les représentants de la ville de Saint-Etienne. C'est-à-dire, vous avez posé avec l'équipe de foot, ce que j'ai du mal à comprendre. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, eh bien oui, les écoles, y a des écoles qui dépérissent à Saint-Etienne. Les budgets qui sont alloués pour les projets éducatifs des écoles sont à la diète. Les piscines et les médiathèques sont de moins en moins ouvertes au public. Et des enfants dorment à la rue. Une fois de plus, vous privilégiez quoi ? Bah, la communication à l'action. Alors bien sûr, nous sommes toutes et tous très attachés au club de foot professionnel de Saint-Etienne, puisqu'il fait rayonner la ville à travers la France entière et bien au-delà. Et il suscite un engouement qui est absolument extraordinaire, ici et ailleurs. Mais ces 150 000 euros, ils devraient être utilisés pour des actions qui permettent de réellement améliorer le quotidien des plus jeunes. Et ici, comme le disait Madame Valentin, ce n'est pas la SS qui bénéficie d'une visibilité, elle n'en a pas besoin. C'est bien vous qui préférez redorer votre image. Une photo avec l'équipe stéphanoise, non, ça ne suffira pas. Non, je suis tout à fait d'accord à faire passer la pilule des baisses de budget et des manquements de l'action municipale envers les plus jeunes. Ce ne sont pas non plus les 5000 posters distribués avec sûrement donc des photos de l'équipe de foot et des représentants de la ville qui feront oublier à quel point vous préférez faire de la communication plutôt qu'agir pour le bien de la ville et de ses habitants. Bien, ça y est, vous avez fini de cracher votre venin ? Ça fait du bien ? Parce qu'on est quand même loin du sujet. Mais bon, j'espère au moins que ça vous a soulagé. Hein, ce conseil est relativement calme et constructif, et donc il fallait évidemment que vous apportiez une petite touche. Écoutez, je ne vais pas trop m'étendre, simplement vous citer quelques chiffres et des décisions que nous avons prises. Quand j'ai été élu maire en 2014, la convention d'objectifs entre la ville et la SS était de 245 000 euros. Nous avons souhaité, tout simplement, dans le cadre des baisses de dotation de l'État, et j'ai eu l'occasion maintes fois de m'en expliquer avec le président de la SS, parce que, évidemment, que le club représente beaucoup plus pour la ville qu'un simple club de foot. Et malgré tout, nous avons baissé cette subvention d'année en année, jusqu'à 170 000 dans les derniers exercices, et ce soir, 150 000 euros, et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui accuse une baisse de 15%, comme nous l'avons fait à une majorité des associations, parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il nous semblait juste d'appliquer exactement la même baisse qu'aux autres. Donc entre 245 000 en 2014 et 150 000 aujourd'hui, évidemment un effort conséquent. Et je ne vous cache pas que dans le cadre de la préparation du budget 2024 dans lequel nous sommes, il est fort probable que ce montant diminuera encore et même peut-être fortement. Mais nous ne pouvons pas de manière brutale, et parce que le club est aussi dans une passe difficile, tirer d'un trait sur ce soutien à travers ce contrat d'objectif qui profite à un nombreux public, j'allais dire de nombreux enfants, mais pas seulement des enfants, puisque le public est ouvert de manière beaucoup plus large, et ce contrat d'objectif est reconduit d'année en année depuis de très nombreuses années, autant que je me souvienne, sauf que le montant effectivement a été baissé drastiquement, ce que le président d'ailleurs du club a compris. Les efforts valent pour tous, y compris pour notre club, aussi phare soit-il, et aussi fort, je dirais, soit son importance dans l'attractivité de notre ville. Je mets donc aux voix ce contrat. Y a-t-il des oppositions ? Et vous avez le droit de voter contre, hein ? Je veux dire, moi, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je vote contre. Donc si vous êtes contre ce contrat d'objectif avec la SS, vous avez tout à fait le droit de voter contre. Alors, pardon, on n'est pas contre un contrat d'objectif avec la SS, oui. mais contre, après, les missions qui sont demandées. Les missions doivent être d'éducation, normalement, a priori, d'intégration sociale, de développement durable. Et dans ce que vous proposez, malheureusement, c'est pas ça qu'on voit. Donc non, qu'on passe un contrat et qu'on leur propose des choses qui vont dans ce sens-là, dans l'intérêt vraiment général de la ville, oui. Donc, mais c'est après, à l'intérieur, ce que vous leur demandez, qui pour nous ne correspond pas du tout à ça. Mais donc l'ASS... c'est pour ça qu'on va s'abstenir, et non pas parce qu'on est contre verser une subvention à l'ASS pour d'autres missions. Voilà. L'ASS Merci. Assume effectivement, en plus de sa mission sportive, un certain nombre d'actions sociales, environnementales. Nous sommes heureux d'y contribuer, aussi à travers ce contrat d'objectif. Les posters, c'est très environnemental. Qui s'abstient ? Merci. C'est très apprécié. Le groupe Saint-Etienne Demain, les écologistes. Le groupe Saint-Etienne Demain, les écologistes et les communistes. Je vous remercie. Il est donc voté à l'unanimité, finalement. oui, des choix politiques, bien sûr, en termes de financement. 150 000 euros en contrat d'objectif auprès de l'ASS. Donc, bref, revenons eh bien, aux services publics, aux actions et fonctionnements bien mis à mal dans bon nombre de services aujourd'hui. Comme dans les écoles, Julie Tocchi le rappelait durant cette intervention à l'instant. Eh bien, voilà que cela intervenait précisément en fin de séance en question orale. Et c'est le groupe Saint-Étienne Demain, Isabelle Dumestre, que l'on retrouve. Alors que vous aviez annoncé dans votre plan de mandat des objectifs très ambitieux pour les écoles de Saint-Étienne, il semblerait qu'une large part de la communauté éducative stéphanoise se déclare aujourd'hui insatisfaite de la politique menée en la matière. Regrettant le manque de réponse à leurs légitimes demandes, ces acteurs se sont réunis au sein d'un collectif des écoles publiques pour mieux se faire entendre. Ainsi, dès le mois de juin dernier, de nombreux conseils d'école avaient adopté une motion qui, je cite, « alertait sur les dysfonctionnements touchant la plupart des écoles publiques de Saint-Étienne ». Alors que le premier trimestre de cette nouvelle année touche à sa fin, de nouveau, une motion est lue et adoptée pour dénoncer une situation qui n'a pas évolué, voire a empiré. De partout, je cite encore, remontent des exemples inadmissibles d'un service public défaillant qui n'assure pas la sécurité physique et affective des enfants. Ceci pèse sur leur bien-être comme sur leurs chances de réussite et accroît les inégalités sociales. Sont notamment pointés, pour ne retenir que ce qui relève des compétences municipales, des temps de cantine dramatiquement sous-encadrés. Il n'est malheureusement plus rare de compter deux agents vacataires pour près de 90 enfants sur le temps méridien, avec des vacataires à qui aucune consigne sur le fonctionnement n'a été donnée, y compris sur les allergies alimentaires des élèves. Des accueils périscolaires de plus en plus nombreux à être supprimés, ce qui contraint les parents qui travaillent à changer leurs enfants d'école, mettant un peu plus à mal la mixité sociale de ces écoles sans périscolaires. Des ATSEM manquantes dans des classes de maternelle surchargées. Des moyens financiers par élève dramatiquement faibles qui ont pour conséquence l'annulation de sorties scolaires et de projets pédagogiques, faute de moyens, ou un appel de plus en plus fréquent aux participations des familles, y compris pour le matériel de base. De lourds problèmes au niveau des locaux, avec des classes mal isolées, très vulnérables aux températures extrêmes, des fuites de gaz, des toilettes bouchées pendant des semaines. L'école de Centre 2 à elle seule fait régulièrement les titres de la presse pour plusieurs de ces motifs. Des cours d'école en attente de rénovation depuis des années, sans même parler de leur indispensable végétalisation. Les parents d'élèves et les personnels éducatifs regrettent la faiblesse des réponses apportées par les représentants de la mairie lors des conseils d'école, si tant est qu'ils soient présents. D'après les remontées du collectif, plus de la moitié des derniers conseils d'école se sont déroulés sans représentants de la majorité municipale. Nous avons nous-mêmes alerté, conseil municipal après conseil municipal, sur l'insuffisance des moyens que vous consacrez aux écoles publiques de notre ville. Après plus de 10 années de mandat, il n'est plus temps de rejeter encore et toujours à vos prédécesseurs la responsabilité de cette situation. Ce sont bien vos choix politiques qui sont en cause aujourd'hui. Au regard du caractère critique, voire urgent, de plusieurs des questions que nous venons d'énumérer, quelles sont les réponses que vous comptez apporter dans les prochaines semaines pour améliorer significativement la situation des écoles stéphanoises ? Question posée par Isabelle Dumestre à l'instant. Alors bien sûr, réponse était apportée. En effet, là, je ne vous ai diffusé que 2 minutes de cette question orale posée en fin de séance de conseil hier soir. Une très large et complète réponse était apportée de près d'une demi-heure. Donc vous entendez bien et comprenez bien que je ne peux vous la proposer et diffuser aujourd'hui. Mais Denis Chambre et Robert Carulac, en charge de ces questions, eh bien répondaient de façon très précise, point par point, ce que je vous propose tout simplement de retrouver en visionnage, puisque ce conseil municipal est aussi en ligne et donc sur le site de la ville de Saint-Étienne vous pourrez retrouver sur la fin de cette visio et de ce conseil les réponses précises qui ont été apportées. En tout cas, reste en effet cette situation actuelle, malaise dans les écoles de Saint-Étienne avec des agents qui notamment sont en grève, comme on le rappelait encore tout à l'heure, avec notamment une situation intenable dans les écoles due à des taux d'encadrement dramatiquement insuffisant et malgré l'urgence selon les agents et les syndicats, aucune mesure concrète ne semble être précise et un préavis de grève a été lancé couvrant la manifestation d'hier à 17h ainsi que les autres jours de cette semaine jusqu'au vendredi, ce vendredi 1er décembre inclus. Des temps notamment donc de cantine qui risquent d'être fortement perturbés pendant cette période sur la ville. Au titre des revendications, eh bien les agents demandent expressément à l'exécutif de voter l'augmentation de la part du budget consacré à l'emploi dans les écoles, recrutement d'ATSEM, recrutement de renforts de personnel formé, notamment pour les temps de cantine, recrutement de personnel qualifié en nombre pour les élèves porteurs de handicap, on y revient, ou de troubles. Reconnaissance de la pénibilité, de l'importance de ces métiers, notamment au travers de primes, ou encore la réduction du temps de travail pour limiter la casse physique et morale des agents. Voilà ce qui est au titre aussi de ces revendications. En tout cas, voilà, malaise, on le disait, et grève, notamment dans les écoles, tout au long de cette semaine. Pourtant, hier, Robert Carulac, Denis Chambe et la majorité le rappelaient, sujet cher, la jeunesse comme priorité défendue par la ville. Comment témoigne notamment, et c'était encore rappelé hier, Saint-Étienne, ville amie des enfants. Car il y a quelques jours, c'était ce 17 novembre, la ville de Saint-Étienne signait une feuille de route 2023-2024 avec l'UNICEF. Et si vous retrouvez sur le site de la ville de Saint-Étienne, saint-etienne.fr, dans la rubrique famille, vous retrouvez en effet ce label Ville Amie des Enfants, titre décerné par UNICEF France, où on retrouve les engagements qui sont la traduction des droits ancrés notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui se tenait le 21 novembre dernier comme chaque année, assurer le bien-être de chaque enfant, affirmer sa volonté de lutter contre l'exclusion, mettre et proposer un parcours éducatif de qualité, développer, promouvoir, valoriser, prendre en considération la participation et l'engagement de chaque enfant et jeune et nouer un partenariat avec UNICEF France. Alors voilà bon nombre de points et d'engagements et de belles intentions données en effet au travers de ce label Ville Amie des Enfants pour Saint-Étienne. Mais alors justement, c'est encore une autre question qui intervenait et qui va concerner aussi d'autres enfants, ceux qui sont parfois à l'école mais qui n'ont pas de toit pour dormir, d'enfants à la rue donc. Et c'est la toute dernière proposition que je vous propose de retrouver en écoute, en retour de ce conseil d'hier soir. À nouveau en question orale hier, en fin de séance, c'est le groupe Le Temps de l'écologie qui intervenait concernant la mise à l'abri des personnes à la rue. Et on y retrouve Julie Tocchi. Donc lors du précédent conseil municipal, nous avons déjà interrogé sur le dispositif envisagé pour l'accueil des personnes à la rue à Saint-Étienne. En l'absence de réponse précise, j'ai moi-même à nouveau interrogé Monsieur Durand, adjoint en charge des cohésions sociales lors de la commission Santé, Solidarité, Handicap et Seniors du mardi 14 novembre. Dès le lendemain, donc le 15 novembre, la préfecture annonçait lors du comité départemental de veille hivernale que la structure d'accueil d'urgence des Lauriers ne rouvrirait pas faute de moyens. Ce sont donc 93 personnes qui ne pourront y trouver refuge cet hiver. Pourtant, à l'approche de l'hiver, la situation des personnes sans domicile est particulièrement préoccupante cette année. En 2022, 75% des sollicitations du 115 ne trouvaient pas de réponse positive. Mais cette année, ce sont 95% des appels qui restent sans solution dans la Loire, un taux jamais atteint. Depuis plusieurs mois, la situation se dégrade inexorablement. Des situations insupportables se multiplient, mettant à mal la santé physique et mentale des personnes à la rue, mais aussi des travailleurs sociaux et médicaux, ainsi que des personnels éducatifs qui se retrouvent face à des situations contraires aux principes essentiels de leur profession. Aujourd'hui, des communautés éducatives n'ont d'autre choix que de mettre à l'abri par leurs propres moyens les familles d'enfants scolarisés dans leurs établissements. Des travailleurs sociaux et médicaux n'ont d'autre moyen que de solliciter des structures citoyennes pour apporter des solutions que l'État qu'ils représentent ne se met pas en capacité de proposer. Le déclenchement du plan grand froid, lorsque les températures enregistrées ne dépasseront pas les moins 5 degrés en journée, n'arrivera que bien trop tard, laissant craindre de nombreux drames. À chaque fois que nous interpellons l'équipe municipale sur cette question, vous nous répondez que la question de la mise à l'abri relève de la compétence de l'État. Nous en convenons. Cependant, les communes peuvent être plus actives quant à l'interpellation des services de l'État sur la question. Monsieur Durand a quant à lui estimé, lors de la commission du 14 novembre, que la ville était, je cite, « au service de l'État ». Les élus municipaux écologistes souhaitent connaître le positionnement de l'équipe municipale suite à la décision de la préfecture de ne pas rouvrir la structure d'accueil d'urgence des Lauriers. Monsieur Durand était-il présent lors du comité départemental de veille hivernale qui s'est tenu en préfecture le mercredi 15 novembre? Des actions sont-elles menées et envisagées afin de trouver des solutions rapides pour les trop nombreuses personnes actuellement à la rue et sans solution d'hébergement? Merci. Je donne la parole à Frédéric Durand pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Alors, madame Toki, depuis le dernier conseil municipal, nous ne sommes pas restés inactifs, comme vous le laissez sous-entendre. Nous avons rencontré le préfet, nous avons fait le point avec l'UNICEF, rencontré dernièrement le président du SIAO, échangé avec l'asile de nuit. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ces rencontres, puisque c'est notre quotidien et notre mission d'acteur social. Oui, nous avons participé au comité départemental de veille hivernale et notre présence était politique et technique. D'ailleurs, je tiens à souligner que nous étions une des rares collectivités présentes à ce comité. Je rappelle aussi que si nous avons fait évoluer notre politique sociale dès 2022, c'est bien afin de nous adapter aux nouveaux défis en matière de solidarité, que ce soit au niveau de l'aide alimentaire, du relogement ou toute autre situation de précarité. Je vous rappelle aussi que tout au long de l'année, chaque fois que nous avons identifié ou avons été interpellés de situations de familles qui dorment à la rue, nous avons systématiquement alerté le préfet par l'intermédiaire de monsieur le maire pour que les services de l'État assument pleinement leurs responsabilités. Il n'y a pas une semaine, un jour, où avec les équipes de la Direction Solidarité et du CCAS et avec ma collègue Catherine Zadra, nous ne travaillons sur des situations de grande précarité. Et chaque situation est abordée de façon individuelle pour assurer la prise en charge et l'accompagnement les mieux adaptés. Et même s'il ne s'agit pas d'une compétence municipale, nous essayons, avec nos moyens et dans la limite de nos prérogatives, de trouver des solutions qui vont dans le sens du respect dû à ces personnes. Notre action à destination des personnes présentes sur l'espace public permet de jouer ce rôle en complément de celle de l'État ou encore du département, et toujours en lien avec les acteurs de terrain, notamment associatifs. D'ailleurs, dans ce cadre-là, nous faisons régulièrement un point détaillé avec les services de la préfecture sur plusieurs situations rencontrées. Et je peux vous assurer que nous activons les bons leviers et que nous arrivons à trouver des solutions à certaines situations dont l'initiative nous revient. Pour revenir au comité départemental de veille hivernale, nous étions venus chercher des réponses à la prise en charge des sans-abri, comme tous les acteurs présents, et pour beaucoup des délégataires de l'État. Mais il faut bien reconnaître que celles-ci ne nous ont pas rassurés. Donc nous n'en sommes pas restés là, et nous avons profité de notre point régulier avec la préfecture pour relancer ce sujet et se faire préciser le plan d'action de l'État pour cet hiver. Il nous a été dit qu'une circulaire du ministère de Logement présentant une instruction pour les dispositions à mettre en œuvre pour la période hivernale avait été communiquée, et ces dispositions sont les suivantes. En cas de mise en vigilance orange, et donc rouge et bien sûr, par Météo France, seuls les dispositifs de type gymnase seront ouverts. En ce sens, ce seront des gymnases de la couronne stéphanoise par rotation. Sur ces gymnases seront déployés des moyens humains et logistiques avec présence d'une association pour la médiation sociale. La préfecture de la Loire va au-delà de cette instruction en mobilisant les 12 logements dits de répit, de nuit maximum, sur Tardy, qui sont à l'asile de nuit. Ce sont les personnes repérées par leur maraude qui seront a priori orientées. Il a été confirmé qu'il n'y aura pas d'ouverture des lauriers puisque la demande de l'État est de pouvoir mobiliser très rapidement des dispositifs collectifs pour quelques jours et non d'héberger de manière plus longue. Sur l'hébergement d'urgence en particulier, la préfecture nous a rappelé que 1600 places de logement d'urgence seraient présentes sur le département, que désormais la demande de l'État est un contingentement des moyens pour l'hébergement d'urgence au profit de dispositifs d'accès et d'intégration au logement pérenne. Ceci sous-entend un focus sur les personnes en situation régulière, sur l'accès à l'emploi, aux résidences sociales, aux pensions de famille. Voilà ce jour ce que je pouvais vous apporter comme précision au niveau du dispositif de mise à l'abri et sur lesquels nous allons être très attentifs à sa mise en œuvre. Mais croyez bien que nous ne nous satisfaisons pas de la situation et qu'une nouvelle rencontre est prévue à notre initiative dans les prochains jours avec le secrétaire général de la préfecture pour évoquer plus précisément la non-ouverture des lauriers. Et nous ne manquerons pas de rappeler à cette occasion le rôle de l'État dans la mise à disposition d'hébergement. Je vous remercie. Voilà pour ce dernier point, question orale et réponse apportée à l'instant, hein, abordée hier en fin de séance de conseil municipal. Nous avions déjà évoqué ce comité de veille hivernale il y a peu sur notre antenne, notamment avec le collectif Pour que personne ne dorme à la rue, qui faisait état des solutions non entreprises à nouveau et la situation très critique à la veille de l'hiver ou en plein hiver avec ce grand froid de retour. En effet, alors bien pour ces éléments de réponse, certes, nous en prenons acte, je dirais, et bien nous attendrons et espérons donc les concrétisations prochainement. En attendant, bien dormir à la rue reste, on le rappelle, haut et fort inacceptable. Malgré cette solidarité citoyenne qui s'est instaurée, certes, mais ce problème reste, on le rappelle, entier et de la compétence de l'État, d'où les nouveaux contacts entrepris, vous l'avez entendu. Mais voilà, c'est aussi la loi, on le rappelle, l'article L345-22 du Code de l'action sociale et des familles qui stipule, je cite, « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence ». C'est le texte de loi qu'il s'agit aussi bien souvent de rappeler. Concernant la situation précisément de personnes sans abri, dont enfants, on l'a rappelé avec la situation des écoles là récemment. Alors il y a des collectifs qui se multiplient. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la situation et de l'état délicat et difficile de certaines écoles. Le collectif des écoles publiques stéphanoises a notamment hier, jour de conseil municipal, publié bon nombre de photos de l'état des écoles publiques stéphanoises. C'est un collectif d'enseignants, directeurs, parents, ATSEM, des écoles publiques de Saint-Étienne. Je vous renvoie sur leur réseau social pour exemple. Et bien souvent, ces écoles accueillent des enfants qui manquent d'abri et d'hébergement et assument cette responsabilité d'accueillir en urgence et de loger ces enfants et ces familles en grande difficulté. En témoignent de nombreuses écoles et structures scolaires stéphanoises, Gaspard Monge, l'école Chape sur Crédroc. Un nouveau collectif malheureusement s'est constitué il y a peu sur le quartier Manufacture, trois familles du quartier, donc 4 enfants à la rue. C'est à nouveau un collectif solidaire qui s'est constitué pour tenter de les aider, les héberger selon possibilité, d'offrir même un goûter, un repas, proposer pourquoi pas un emploi régulier ou occasionnel aux parents. Et puis peut-être bien également intégrer ce collectif PJT que vous pouvez retrouver sur le réseau social Facebook pour exemple, ou que vous pouvez contacter par mail collectifpjt@gmail.com. Situation encore délicate et véritablement pour terminer avec cette soirée de soutien précisément qui interviendra cette fin de semaine, ce 1er décembre. Une soirée en partenariat avec l'association Un Toit Passe Sans Toit qui précisément va permettre d'aider et de soutenir une famille avec enfants en difficulté actuellement et expulsés du CADA notamment. C'est une soirée qui se passera à la Gueule Noire ce 1er décembre, l'espace autogéré rue du Mont, quartier Bellevue à Saint-Étienne, avec le collectif Il y a plus de saison qui s'empare du lieu pour une seconde édition Boom du printemps, mais qui sera celle d'automne voire d'hiver, avec des concerts indus, punk, bon mix, new wave et j'en passe, bon nombre de formations groupes. Damaréa, il y aura également Aval, il y aura également Ultimate Tourist et Caniche Perfide en mix encore. Ouverture des portes à partir de 19h30 vendredi 1er décembre, et simplement vous annoncer que ce collectif sera présent en nos studios. Ce sera ce jeudi à partir de 19h précisément, dans ce même programme des mots des sons sensibles en version soirée. Nous serons en direct de 19 à 20h avec ce collectif et des groupes notamment présents qui se produiront ce vendredi 1er décembre. On se retrouve donc jeudi pour un autre numéro en direct également. Ce sera double séance cadeau finalement jeudi 12-13 avec une autre version de ce programme des mots des sons sensibles. Et je vais également vous rappeler le 12-13 en direct toujours hebdo du 8-9-5 le mercredi 12-13h plus fort j'entends rien, qui demain recevra l'artiste Tashka qui a sorti un album il y a peu et qui était d'ailleurs en concert ce soir du côté du Transborder. Bref, ne manquez pas ce rendez-vous également. On se retrouve jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. On va terminer en musique avec précisément Damaréa, les Barcelonais, si je ne me trompe, donc qui seront avec nous ce jeudi à 19h. On termine sur ce en guise de générique de fin. Tout le monde chez vous, portez-vous bien. À ciao, bye.